j'appareille chaque soir, j'appareille pour un demain meilleur, pour un demain. Lorsque tu n'y es pas, j'aime compter les faux pas, même si un demain meilleur, si un demain. Si là-bas il fait beau et si l'on reconstruit, ici c'est la saison des pluies, et tout moisit un peu. Je sais qu'ailleurs tu insistes, tu décides et persistes pour des demains meilleurs, pour ces demains. De mon côté, je colmate, je supplie, mais constate un avenir douteux et sans doute. Que si là-bas il fait beau et si l'on reconstruit, ici c'est la saison des pluies, et tout s'affaisse un peu. Trop tard, rien à faire, si les crédules espèrent. Pour moi, j'attends la fin. Si tu venais me chercher, si tu venais me sauver, si tu me rendais visite, fais-le vite. Car si là-bas il fait beau et si l'on reconstruit, ici c'est la saison des pluies, et tout s'est écroulé.